une tranche de beefsteak de Jack London, deuxième partie. La troisième reprise débuta, comme les autres, tout à fait partiale. Sandel faisait tout, menait la partie et accablait de coups son adversaire. Une demi-minute s'était déjà écoulée quand Sandel, trop confiant en lui-même, se découvrit. Les yeux de King flambèrent en même temps que se détendait son bras droit. C'était le premier courriel qu'il porta. La courbe du bras tordu pour la rendre plus solide et derrière lui tout le poids du corps pivotant à demi. On eût dit un lion endormi lançant un coup de patte soudain comme un éclair. Sandel, touché sur le côté de la mâchoire, fut abattu comme un bœuf. Le public resta bouche bée. Murmura de timides approbations. L'homme n'avait pas les muscles noués, en fin de compte. Il pouvait asséner un coup comme celui d'un marteau de forgeron. Sandel était ébranlé. Il se roula par terre et essaya de se relever. Mais ses seconds lui crièrent de prendre son compte de seconde. Il s'agenouilla d'une jambe, prêt à se relever, et attendit. Pendant que l'arbitre penché sur lui comptait à haute voix les secondes dans son oreille. À la neuvième, il se redressa en attitude de combat, et Tom King, lui faisant face, regretta que le coup n'eût pas porté plus près de la pointe de la mâchoire. L'autre aurait été mis hors de combat et lui-même serait rentré chez lui, rapportant les 30 livres à sa femme et aux gosses. La reprise se poursuivit jusqu'au bout de ces 3 minutes. Sandel manifestait cette fois un certain respect pour son adversaire, tandis que King avait repris ses mouvements lents et ses regards alanguis. Quand la reprise approcha de sa fin, King, averti du fait par la vue des seconds qui se préparaient à bondir entre les cordes, s'arrangea pour mener la bataille vers son propre coin. Et dès que sonna le gong, il s'assit immédiatement sur son tabouret qui l'attendait, tandis que Sandel dut traverser toute la plateforme en diagonale pour rejoindre son coin. C'était peu de choses, mais c'était le total de ces petites choses qui comptent. Sandel fut obligé de faire ses pas supplémentaires, de dépenser cette minime somme d'énergie et de perdre ainsi une partie de sa précieuse minute de repos. Au début de chaque reprise, King avançait de son coin en flâneur, obligeant ainsi l'autre à parcourir la plus grande distance. À la fin de chaque reprise, King manœuvrait pour attirer l'autre dans son coin et s'asseoir immédiatement. 2 autres reprises se passèrent, au cours desquelles King se montra parcimonieux et Sandel prodigue d'efforts. Celui-ci essaya d'imposer une allure plus vive, et cette tentative inquiéta King, car bon nombre des coups dont l'accablait l'adversaire portait. Cependant, il s'obstinait dans sa lenteur en dépit des protestations de jeunes gens à tête folle qui lui criaient de se décider à se battre. Au cours de la 6e reprise, Sandel commit une nouvelle imprudence. De nouveau, le terrible point droit de Tom King l'atteignit à la mâchoire et de nouveau Sandel, à terre, compta les 9 secondes. Vers la 7e reprise, Sandel avait perdu sa fougue et la fraîcheur de ses bonnes dispositions. Il se rendit compte qu'il affrontait la plus dure rencontre de sa vie. Tom King était un vétéran de la boxe, mais un vétéran bien supérieur au meilleur de sa connaissance. Un vétéran qui ne perdait jamais la tête, remarquable dans la défense, dont les coups possédaient la puissance d'une massue à clous, capable de mettre son homme hors de combat de l'une ou de l'autre main. Néanmoins, Tom King n'osait pas frapper fréquemment. Jamais il n'oubliait ses jointures abîmées, sachant que chaque coup devait porter s'il voulait les faire durer jusqu'à la fin de l'assaut. Assis dans son coin et regardant son adversaire, il se prit à songer qu'en additionnant sa propre prudence et la jeunesse de Sandel, on obtiendrait un fameux champion du monde des poids lourds. Et mais voilà l'ennui. Sandel ne deviendrait jamais champion du monde. Il lui manquait la prudence. Il ne pouvait l'acquérir qu'au prix de sa jeunesse. Et quand il posséderait la prudence, il lui manquerait la jeunesse dépensée à l'obtenir. King profitait des moindres avantages. Il ne perdait jamais l'occasion d'un corps à corps, et dans ce cas, presque toujours, il enfonçait rudement son épaule dans les côtes de l'autre. Dans la philosophie professionnelle, un coup d'épaule vaut un coup de poing en ce qui concerne les dégâts, et vaut beaucoup mieux au point de vue de la dépense d'effort. En outre, dans ses corps à corps, King reposait de tout son poids sur l'adversaire et n'était pas pressé de se décoller. Cette situation nécessitait l'intervention de l'arbitre qui venait les séparer, et immanquablement, Sandel l'y aidait, n'ayant pas encore appris à se reposer. Il ne pouvait se retenir d'employer ses bras superbement agiles, ses muscles toujours prêts à se tordre, et quand l'autre se précipitait dans un corps à corps, lui enfonçant son épaule dans les côtes et la tête reposant sous le bras gauche de Sandel, celui-ci ne manquait guère d'envoyer un coup balancé du droit derrière son propre dos dans la figure en saillie de l'autre. C'était un coup adroit, très admiré du public, mais pas bien dangereux, et représentant par conséquent une certaine déperdition de force. Sandel, toujours infatigable, ignorait toute limite et King encaissait avec un sourire cynique et grimaçant. Sandel entreprit une série de coups terribles du droit au corps, donnant l'impression que King était gravement endommagé. Seuls les vieux habitués des assauts de boxe pouvaient apprécier la fine touche du gant gauche sur le biceps de l'autre, juste au moment où le coup arrivait à destination. Chaque fois, certes, le coup portait, mais chaque fois, il était privé de sa puissance par cette touche au biceps. À la 9e reprise, 3 fois en 1 minute, King décocha son adversaire un crochet du droit, et 3 fois le corps de Sandel, malgré son poids, s'aplatit sur la natte. Chaque fois, au bout des 9 secondes de grâce, il se remit sur ses pieds, ébranlé mais toujours solide. Ayant perdu beaucoup de son agilité, désormais il gâchait moins d'efforts et se battait résolument. Néanmoins, il continuait à compter sur son principal atout, qui était sa jeunesse. Au début de la 10e reprise, King commença d'arrêter les attaques de l'autre par des directs de gauche au visage, et Sandel, rendu prudent, répondit en se découvrant à gauche, puis esquivant le coup et frappant du droit sur le côté de la tête. Le coup porta trop haut pour produire tout son effet, mais en le recevant, King éprouva la sensation bien connue d'un voile noir s'abattant à travers son esprit. Pendant un instant, plutôt pendant une fraction minime, d'instant il cessa d'exister. Il vit l'adversaire s'esquiver de son champ visuel avec le fond de tous ses visages blancs et avides. La seconde d'après, il revit son adversaire et les figures de l'arrière-plan. Il aurait pu croire qu'il venait de s'endormir et de rouvrir les yeux. Et cependant, l'intervalle d'inconscience avait trop peu duré pour qu'il eût le temps de tomber. Le public le vit vaciller, fléchir sur ses genoux, puis se remettre et enfoncer son menton plus profondément à l'abri de son épaule gauche. Sandel répéta ce coup plusieurs fois en maintenant King à demi étourdi, puis celui-ci combina sa défense qui était en même temps une contre-attaque. Faisant une feinte du gauche, il recula d'un demi-pas, tout en envoyant un coup de bas en haut de toute la force de son poing droit. Le coup était si bien calculé qu'il arriva carrément sur la figure de Sandel avec tout l'élan de la feinte. Sandel, soulevé en l'air, retomba à la renverse et frappa la natte de la tête et des épaules d'abord. 2 fois, King réussit ce coup d'habileté, puis il se déchaîna et se mit à marteler son rival vers les cordes, sans fournir à Sandel la moindre occasion de se reposer ou de se reprendre, et lui asséna coup sur coup jusqu'à ce que le public debout fit trembler la salle d'un tonnerre d'applaudissements ininterrompus. Cependant, Sandel, superbe de force et d'endurance, réussit à demeurer sur ses pieds. Sa mise hors de combat paraissait certaine, et l'officier de police en observation près de la plateforme, effrayé de le voir encaisser de pareils atouts, se leva dans l'intention d'arrêter le combat. Au même instant, le gong vibra et Sandel s'assit en chancelant dans son coin, en protestant à l'officier de police qu'il se sentait en bonne forme. En gage de quoi, il exécuta 2 petits bonds en arrière, et l'autre fut rassuré. Tom King, renversé en arrière dans son coin et respirant avec peine, se sentait désappointé. Si l'assaut avait été arrêté, l'arbitre eût nécessairement rendu la sentence en sa faveur et l'enjeu lui serait revenu. À la différence de Sandel, il se battait non pas pour la gloire, mais pour 30 livres sterling. Et maintenant, Sandel allait recouvrer ses forces pendant la minute de repos. Ce soir, la jeunesse était assise dans le coin opposé. Quant à lui, il venait de se battre pendant plus d'une heure et maintenant il se sentait réellement vieux. S'il s'était battu comme Sandel, il n'aurait pas duré un quart d'heure. L'ennui, c'est qu'il ne récupérait pas ses forces. Ses vaisseaux ont sailli et ce cœur surmené ne lui permettait pas de retrouver assez d'énergie dans les intervalles entre deux reprises. D'ailleurs, dès le début, ses forces avaient été insuffisantes. Ses jambes s'alourdissaient sous lui et il commençait à y éprouver des crampes. Il n'aurait pas dû faire ses 2 kilomètres à pied. Et puis ce beefsteak dont il avait eu envie toute la matinée. Une grande et terrible haine s'éleva dans son cœur contre ces bouchers qui lui avaient refusé tout crédit. C'était dur pour un vieil homme d'aller se battre sans avoir mangé à sa suffisance. Un morceau de beefsteak, c'est si peu de choses. Cela vaut quelques pence tout au plus, mais pour lui, ce peu de choses représentait 30 livres. Au coup de gong annonçant la 11e reprise, Sandel se précipita, faisant parade d'un entrain qu'il ne possédait pas en réalité. King estima sa juste valeur ce bluff aussi ancien que le jeu lui-même. Il provoqua un corps à corps pour se garantir, puis s'écartant, laissa Sandel se calmer. C'était ce que désirait King. Il fit une feinte du gauche qui détermina chez l'autre un plongeon et un coup balancé. Puis lui-même recula d'un demi-pas et lança son coup de bas en haut en plein dans la figure de Sandel qui s'abattit sur le paillasson. Après quoi, il ne lui laissa plus un instant de repos recevant des coups lui-même mais en donnant bien davantage, bousculant Sandel dans les cordes, l'accablant de crochets de toutes sortes de coups, s'arrachant des corps à corps ou l'empêchant à coups de poing de les tenter. Chaque fois que Sandel allait tomber, le rattrapant d'une main et de l'autre, le précipitant immédiatement dans les cordes où il ne pouvait point tomber. À ce moment, le public, fou d'enthousiasme, lui appartenait. Presque toutes les voix hurlaient « Vas-y, Tom ! Mais lui, oh ! Tu le tiens, Tom, tu le tiens !» On allait assister à une finale en tourbillon et c'était pour cela qu'un public de boxe paye sa place. Tom King, qui pendant une demi-heure avait si bien ménagé ses forces, se mit à les prodiguer dans l'unique effort dont il se sentait capable. Sa dernière chance était là, maintenant ou jamais. Ses forces l'abandonnaient rapidement et il espérait qu'avant leur épuisement, il parviendrait à abattre son adversaire pour le nombre de secondes voulues, sans cesser de frapper de toutes ses forces, estimant froidement le poids de ses coups et la qualité des dommages infligés. Il se rendait compte à quel point Sandel était difficile à abattre, doué au suprême degré de cette vitalité, de cette endurance qui sont l'apanage de la jeunesse. Sandel était certainement un homme d'avenir. Il possédait l'étoffe. C'est avec cette fibre coriace que se fabriquent les bons boxeurs. Sandel titubait. Mais Tom se sentait des crampes dans les jambes et ses jointures refusaient leur service. Il se raidissait néanmoins et frappait des coups formidables dont chacun constituait une torture pour ses mains abîmées. Ses coups ne possédaient pas une lourdeur extraordinaire. Mais Sandel était si faible et étourdi qu'il tomba et resta étendu, frissonnant. L'arbitre, penché sur lui, comptait à haute voix les fatales secondes. S'il ne se relevait pas avant la 10e, il perdait la bataille. Silence inquiet planait sur le public. King, tremblant sur ses jambes, se sentait en proie à un étourdissement mortel. Devant ses yeux s'enflait et s'affaissait l'océan des visages, tandis que ses oreilles percevaient comme à grande distance les chiffres que comptait l'arbitre. Cependant, il avait l'impression d'avoir gagné cet assaut, estimant invraisemblable qu'un homme si mal en point pût se relever. Seule la jeunesse pouvait opérer pareille résurrection. Et Sandel se releva. À la 4e seconde, il se roula sur le visage et chercha tâtons et cordes. À la 7e, il se mit sur un genou et s'y reposa, branlant du chef comme un homme ivre. Au moment où l'arbitre cria « 9 », Sandel se redressa en bonne position de défense, le bras gauche replié autour du visage, le bras droit autour de l'estomac. Protégeant ainsi les points vulnérables, il fit une embardée vers King dans l'espoir de nouer un corps à corps et de gagner du temps. Au moment même où Sandel se levait, King l'attaqua, mais les deux coups qu'il lui porta s'amortirent sur les bras repliés. L'instant d'après, Sandel, collé en un corps à corps, s'y cramponnait désespérément, tandis que l'arbitre s'efforçait de séparer les deux hommes. King contribua à se libérer. Il savait avec quelle rapidité la jeunesse reprend ses forces et se sentait sûr de régler son compte à Sandel s'il pouvait contrecarrer ce renouveau de vigueur. Un seul coup bien appliqué suffirait. Sandel était à lui sans le moindre doute. Il l'avait manœuvré, battu et arrêté à sa guise. Sandel se dégagea du corps à corps en essayant de s'équilibrer sur le cheveu qui sépare la défaite de la survivance. Un seul coup bien asséné le renverserait une fois pour toutes. Tom King, dans un éclair d'amertume, repensa à ce morceau de beefsteak et regretta de ne pas l'avoir derrière le coup de poing qu'il devait appliquer à toute force. Il se raidit dans l'effort, mais le coup ne fut ni assez lourd, ni assez rapide. Sandel oscilla sans tomber. Il recula en titubant jusqu'au corps des sirotins. Tom King le suivit en chancelant et dans une angoisse mortelle lui décocha un nouveau coup. Mais son organisme venait de le trahir. Rien ne subsistait en lui qu'une intelligence combative et voilée par l'épuisement. Le coup destiné à la mâchoire n'atteignit que l'épaule. Il avait voulu le loger plus haut, mais ses muscles éreintés ne lui obéissaient plus. Et sous le choc en retour, Tom King lui-même vacilla et faillit tomber. Il essaya encore, mais cette fois, le coup rata complètement et par faiblesse pure et simple, King s'accola en corps à corps contre Sandel, se cramponnant à lui pour s'empêcher de rouler à terre. King n'essaya pas de s'y libérer. Il avait lancé sa foudre. Il était fini. Et la jeunesse était servie. Au cours même du corps à corps, il sentait Sandel reprendre des forces contre lui. Et quand l'arbitre les sépara, il vit, sous ses yeux, la jeunesse se récupérait de ses pertes. D'une seconde à l'autre, Sandel devenait plus fort. Ses coups, tout à l'heure faibles et futiles, cognaient dur. Les yeux troubles de King virent le poing ganté le menacer à la mâchoire, et il eut la volonté de parer le coup en interposant le bras. Il perçut le danger et voulut agir, mais son bras alourdi de 50 kilos refusa de se soulever et résista à la volonté de son âme. Sur quoi le poing ganté arriva à destination. Il éprouva une sorte de brisure analogue à une étincelle électrique. Et au même moment, le voile d'ombre l'enveloppa. Quand il rouvrit les yeux, il était dans son coin. Et il entendit les hurlements du public, pareil au rugissement du ressac à Bondi Beach. On lui appuyait une éponge humide à la base du crâne. Et Sid Sullivan lui soufflait une pluie d'eau rafraîchissante sur la figure et la poitrine. On lui avait déjà enlevé ses gants. Et Sandel, penché sur lui, lui serrait la main. Il n'éprouvait aucun ressentiment contre l'homme qui venait de le terrasser. Et lui rendit son étreinte avec une cordialité qui provoqua une protestation de ses jointures en piteux état. Puis Sandel s'avança au milieu du ring et le public arrêta son tumulte pour l'entendre accepter le défi du jeune Pronto et porter à 100 livres le pari supplémentaire. King demeura apathique pendant que ses seconds épongeaient l'eau qui lui ruisselait sur le corps, puis lui séchait le visage et l'apprêtait à quitter la plateforme. Il se sentait affamé, non pas d'une faim ordinaire, de cette faim qui vous ronge, mais d'une grande faiblesse accompagnée d'une palpitation au creux de l'estomac et qui se communiquait à son corps tout entier. Il se rappela ce moment du combat où il tenait Sandel en équilibre instable et prêt à osciller vers le plateau de la défaite. Ah, le morceau de beefsteak lui aurait permis de s'en tirer. Il ne lui avait manqué que cette petite chose au moment décisif. Et il avait perdu. Ses seconds le soutenaient à moitié pour l'aider à quitter la plateforme. Il s'écarta d'eux, se faufila sans aide à travers les cordes, puis sauta lourdement sur le plancher et les suivit sur les talons pendant qu'il lui frayait un chemin dans la foule encombrant l'allée centrale. Au moment où il quittait le vestiaire, à l'entrée de la salle, un jeune homme l'interpella. « Pourquoi ne pas lui avoir réglé son compte quand vous le teniez ?» demanda le Quidam. « Oh, elle est au diable !» répondit Tom King en descendant les marches. Les portes du débit du coin étaient grandes ouvertes. Il aperçut les lumières et les serveuses souriantes. Il entendit de nombreuses voix discutant la rencontre et le tintement continu des pièces sur le comptoir. Quelqu'un l'appela pour lui offrir un verre. Il hésita de façon perceptible, puis refusa et poursuivit son chemin. Il n'avait pas un liard en poche, et la promenade de 2 kilomètres lui parut longue pour rentrer à la maison. Il devenait certainement vieux. En traversant le domaine, il s'assit soudain sur un banc, énervé à l'idée de sa femme qui veillait pour l'attendre et pour apprendre l'issue du pugilat. Cette pensée lui semblait plus atroce que le coup qu'il avait mis hors de combat et presque impossible à envisager. Il se sentait faible et meurtri. Et la souffrance que lui infligeaient ses jointures l'avertissait que même s'il trouvait à s'employer comme manœuvre, il serait obligé d'attendre une bonne semaine avant de pouvoir manier la pelle ou la pioche. La faim qui lui donnait des palpitations au creux de l'estomac devenait accablante. Écrasé sous sa misère, il sentit ses paupières s'humecter. Il couvrit son visage de ses mains et se souvint en pleurant de Stauchobil, de la façon dont il l'avait traité en cette soirée jadis. Pauvre vieux Stauchobil. Il comprenait maintenant qu'il eût pleuré dans le vestiaire. Pistol shots ring out in a barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell but one time. He's gonna be the champion of the world. C'était Une tranche de beefsteak de Jack London, deuxième partie, avec Bernard-Pierre Denadieu, Jacques Bosque et Myrène Astré. Réalisation Jean Couturier. Cette émission a été diffusée une première fois sur France Culture en avril 1997. Thinking like the playboy with the law. Think it might have been that fighter that you saw running at night. Don't forget that you are white. Arthur Dexter Bradley said, I'm really not sure. A cop said a poor boy like you can use a break. Got you for the motel job and you're talking to your friend Bello. You don't wanna have to go back to jail, be a nice fellow. You'll be doing society a favor. That son of a bitch is brave and getting braver. We wanna put his ass in the stir. We wanna pin this triple murder on him. He ain't no gentleman jail. Take a man out with just one punch. But he never did like to talk about it all that much. It's my work, he'd say, I do it for pay. And when it's over, just as soon go on my way. Up to some paradise where the trout streams flow and the air is nice. And ride a horse along the trail.